Distorsion. Effet Larsen. Une émission en super réverbération. Ton oreille a soif. Fais boire ton oreille tous les jeudis, 22h. Ton oreille a soif. Avec Jean-Sébastien Grondin, Olivier Lantier et l'aimable collaboration sporadique de Jean-Pierre Maillot. Ton oreille a soif à CKRL 89.1. La radio qui cultive tes choux. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Au nom de Pascal, de l'instant impérial, de la blonde billon. Au nom de Bastien, de Jacob, de Thierry, de la rose forte aux fruits. Allez, tous ensemble! Au nom d'Annick, d'Isabelle, de Sonia et de la IBA. Au nom d'Éric, Sophie, Dominique et de tous nos produits. La Barberie vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Que vous aimiez l'ambré au piment ou la brasse camarade. Mes chers amis, n'oubliez jamais que l'abus ne fait pas le moine. Oh non, l'abus ne fait pas le moine. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Alors, vous êtes en compagnie ce soir de Marc Chaunet, Bruno, notre fidèle collaborateur, n'est pas arrivé encore. Alors, il va se joindre à nous un peu plus tard dans l'émission. On va débuter ce soir donc avec une nouveauté de l'Italie. C'est pas un nouveau groupe par contre, c'est un groupe qui s'était fait connaître dans le début des années 70 en Italie. Un groupe du nom de Alpha Taurus qui avait réalisé un album éponyme en 73. Et puis, il y avait eu également en 75 la parution d'un second album qui n'est pas un album officiel selon le groupe, l'album Dietro l'Oregano. Et il y a sur le nouveau disque, donc il y a deux nouvelles pièces et trois pièces qui étaient de cet album qui ont été réenregistrées puisqu'il y a un nouveau chanteur. C'est un peu le rock progressif italien qui revit en Italie et beaucoup en Italie puisqu'il y a plein de vieux groupes qui reviennent avec des nouveaux disques, avec des nouveaux musiciens, finalement des anciens et des nouveaux. Et donc c'est pas mal intéressant. L'album s'intitule Atto Secondo de Alpha Taurus. Donc on ira avec une pièce qui est nouvelle, une pièce qui est enregistrée donc et qui vient juste de paraître, une pièce intitulée Progressivamente de Alpha Taurus. Et ensuite de ça, on ira avec un album qui était attendu depuis des années. En fait, on l'espérait même plus, c'était Anglagarde, et qui ont fait paraître enfin, après plusieurs années, depuis 1994, on n'avait pas eu de nouvelles sur disque 2. Sauf il y avait eu une apparition en spectacle au Nearfest, et cette année donc il y a eu un spectacle au Nearfest avec le lancement de ce nouvel album là intitulé Viljans Oga, et on écoutera la pièce Snardom de ça. Mais d'abord, en primeur, la nouveauté Alpha Taurus de l'Italie sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. Quando smetterai di essere così, senza unicità, apparentemente sazio di cliché, e ti illudi che sia vivere. Prova a spegnere tutto quello che ti distrae da pensieri che credi scomodi. Progressivamente te ne accorgerai, improvvisamente ti riconoscerai. La tua mente che gira a vuoto ormai è insabbiata tra tesi, religioni, mode, ideologie che qualcuno sceglie al posto tuo. Prova a scrivere nuove regole, meglio che trasgredire, che è troppo facile. Progressivamente te ne accorgerai, improvvisamente ti riconoscerai. Ti riconoscerai. scelta che crea, immagina, improvvisa. de la Suède. C'était la superbe pièce Snardom, tirée du plus récent album de Anglagard, intitulé Viljanshoga. Alors, c'est toute une pièce et je pense que vraiment, ça valait la peine d'attendre toutes ces années pour avoir un nouveau disque de Anglagard, que c'est un des meilleurs spectacles que j'ai eu la chance de voir cette année. C'était dans le cadre du Nearfest aux États-Unis. C'était le dernier Nearfest, l'Apocalypse. Et il y avait là d'excellents spectacles. Il y a d'ailleurs une critique ou une chronique sur ça dans le magazine Terra Incognita, dans le numéro 30, qui est paru en début d'automne. Il y avait d'excellents groupes là-bas. Il y avait Aranis, il y avait Gösta Berling Saga, il y a eu Renaissance et Il Tempio de l'Ecclésie. D'excellents concerts, donc, qu'on a eu la chance de voir. Vandergraaf Generator. Plus près de chez nous, on a eu aussi d'excellents spectacles cette année. Bon, je pense que je fais une rétrospective de quelques bons disques et bons spectacles qu'on a eu cette année. Juste avant, il y avait eu Alpha Taurus, c'est la nouveauté de ce soir, tirée de Atto Segundo, la pièce Progressivamente. Parlant de Terra Incognita, il y a un autre magazine aussi qui vient de paraître, le magazine numéro 31, qui est paru, on a pu se le procurer lors du spectacle de The Watch, le groupe italien, donc qu'on a eu la chance d'avoir à Québec, avec leur belle interprétation des pièces de Genesis ainsi que de leur matériel original. Il y a pas mal de bons concerts qu'on a eu cette année, pas mal de bons disques aussi, alors on va se faire une petite rétrospective éventuellement, peut-être en début d'année. On va poursuivre en musique maintenant avec, en parlant de nouvelle année, oui, la convention Terra Incognita, ne l'oubliez pas, hein, c'est peut-être même le temps de faire un cadeau de dernière minute, aller faire un tour, je pense qu'il est un peu tard pour ce soir, au Centre d'art La Chapelle, donc, pour vous procurer vos billets pour les 18 et 19 mai, donc deux soirées, en fait, fin de journée et soirée de concert. Le 18 mai, il y aura Fido des États-Unis avec RPWL de l'Allemagne. Et le lendemain, le 19, il y aura Il Castello di Atlante de l'Italie et The Flower Kings de la Suède. Alors, à ne pas manquer, il y aura deux autres groupes qui s'ajouteront. C'est toujours un super événement et on est content. La 9e édition, donc la 9e année, saison avec Terra Incognita, le magazine, l'émission et la convention. Alors, on va poursuivre en musique avec un superbe groupe qu'on a connu et depuis quelques années qui fait d'excellents disques. Il s'agit de Big Big Train. Si on compare, là, si on regarde les trois derniers disques là, qu'ils ont fait paraître, c'est absolument incroyable. The Underfall Yard en 2009. Ensuite, il y a eu le EP Far Skies Deep Time. Et maintenant, English Electric Part 1. Absolument incroyable. Moi, c'est un de mes groupes préférés du rock progressif actuel. On écoutera la pièce Winchester from St. Giles Hill. Ça sera après la pause des quelques publicités, évidemment. Et ensuite, il y aura au programme, restez avec nous, il y aura au programme ensuite Habitat de l'Argentine, il y aura SBB de la Pologne et Edo de Québec. Alors ça, c'est ce qui s'en vient dans la prochaine demi-heure. On y va donc avec les quelques messages d'intérêt public. Et au retour, Big Big Train sur les ondes de CKRL, c'est l'émission Terra Incognita. Achat, vente, échange, jeux, audio et musique. Venez échanger tout ce qui concerne le divertissement de salon. Possibilité de mise de côté. Avidjam. Montage de système de son et d'ordinateur. Demandez Dan. Avidjam. Offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70. Également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tables tournantes et amplis des années 70 et 80. Avidjam. Venez échanger vos films pour adultes. 45 rue Saint-Joseph-Est, 88-559-0875, avidjam.com. Le grand moment de l'athlète Dominique Maltais pour Opération Nérou. C'est une grande année pour moi. Je dois rester concentré. J'ai des objectifs et je veux les atteindre. Ça va être un gros travail d'équipe. On va avoir besoin de beaucoup de monde. Que ce soit pour être utilisateur ou accompagnateur, pensez Opération Nérou au 1-866 Desjardins pour un départ parfait. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. 89.1.

Están cayendo. Alors, sur les ondes de CKRL, à l'émission Terra Incognita, c'était le groupe de l'Argentine Habitat, et tiré de leur plus récent album intitulé Tratando de Respirar en la Furia, et c'était la pièce Torres. C'est leur quatrième disque en carrière, et c'est un excellent disque. C'est paru fin 2010, donc on a eu ça en 2011, et c'est pas mal intéressant, là. J'ai hâte de vous en faire jouer d'autres pièces. C'est pas la première fois qu'on en fait jouer, puis c'est un groupe à découvrir. Juste avant, il y avait de l'Angleterre Big Big Train, tiré de leur plus récent album English Electric Part 1. C'était la pièce Winchester from St. Giles Hill. Il y a Bruno qui est de retour avec nous, donc on va se retimer un peu au niveau des publicités puis tout ça. Il me faisait remarquer tantôt que je pense que j'ai un peu décalé mon mix par rapport à mon micro. Alors donc, on s'amuse bien et c'est ça qui est le fun. On espère que vous appréciez aussi le choix musical. On poursuit donc avec un groupe de Québec, un groupe qui porte pour nom EDO, E-D-O, et ils vont faire paraître leur premier démo, un démo qui s'intitule 125, et le lancement en fait de leur cet album là va se faire au Bal du Lézard le 12 janvier 2013. Alors ils sont un trio et je pense que ça vaut la peine. On a fait jouer une pièce la semaine passée, j'en fais jouer un deuxième extrait cette semaine. Moi, c'est une musique que j'aime beaucoup, avec le piano Fender Rhodes, une ambiance jazz-rock un peu à la Slush, comme je le faisais remarquer la semaine dernière. Pour ceux qui connaissent ce vieux groupe des années 70 qui a fait l'objet d'une reparution en remasterisation avec Prog Québec. D'ailleurs, les deux disques de Slush sont disponibles. Si vous aimez ce style-là, allez voir ça. On ira avec une pièce intitulée « Aïe, j'ai bien parti ça ». Et ils feront aussi un spectacle à la Ninkasi du Faubourg le 19 janvier. C'est dans le cadre, un peu, ça va être tard en soirée, dans le cadre de l'événement « Flow Invite ». Donc, EDO de Québec avec « Aïe, j'ai bien parti ça ». Et allez les voir donc pour leur lancement au Bal du Lézard le 12 janvier 2013. On y va donc avec cette pièce-là. Et on vous revient aussi au retour de la pause avec le groupe polonais SBB. Et leur plus récent album. Alors, on y va tout de suite avec EDO. We'll be right back. Votre dentier tressaille d'espérance rien qu'à vous imaginer en train de mordre la starlette du jour qui n'en finit plus de hurler que Jésus est charmant, qu'il est aimable dans son abaissement. Bonsoir. Je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année. L'homme à la poche rouge et ses moutons représentent-ils à vos yeux des créatures douteuses? CKRL a une solution pour vous. Un breuvage divin, un élixir de joie, servi par les animateurs de l'émission spéciale de Noël, 3 gorgées de Brandy 2012. Et nous, c'est ça qu'on aime. Des fois, on aime la musique qui n'est pas bonne. C'est ça qu'on a en commun, Claude. Oui, puis vous m'avez jamais vu rentrer dans un magasin Emmaüs. Claude Brindamour, Denise Leclerc et François G. Couillard n'ont pas été tous les jours très sages. Quand on magazine, c'est l'important, c'est de souffrir. C'est important. C'est très important. À inscrire à votre agenda, 3 gorgées de Brandy, dimanche 23 décembre, de 11h à 14h30. On pense toujours, quand on passe un Noël ordinaire, qu'on est le seul. Cette soirée vous est présentée par la Barberie. Au nom de Pascal, de la Santé impériale, de la Blonde Billon. Au nom de Bastien, de Jacob, de Thierry, de la Rose Forte aux fruits. Allez, tous ensemble! Au nom d'Annick, d'Isabelle, de Sonia et de la IBA. Au nom d'Éric, Sophie, Dominique et de tous nos produits. La Barberie vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Que vous aimiez l'ombré au piment ou la brasse camarade. Mes chers amis, n'oubliez jamais que la bulle ne fait pas le moine. Oh non, la bulle ne fait pas le moine. Ce que je fais, oh, Le groupe SBB de la Pologne, c'est leur plus récent et 15e album en carrière, un groupe qui a débuté en 1975. Ils ont fait d'excellents disques et en fait, ils ont quand même une carrière qui est encore assez active. Ils font encore des spectacles, donc c'était la pièce America, tirée de leur plus récent album éponyme, SBB tout simplement. Un album assez personnel, tout chanté en polonais, comme vous avez pu constater. On ne reconnaît pas la langue. Et c'était la pièce America. Alors, on va poursuivre avec un des meilleurs groupes français, à mon avis, d'aujourd'hui, Nemo. Ils viennent de faire paraître un album intitulé Si. En fait, Si, c'est pas une nouveauté. Il y a eu Si partie 1 en 2006 et Si partie 2 en 2007. Et là, ils ont regroupé les deux si ensemble pour faire l'intégrale et ils l'offrent au prix d'un seul disque. Ça vaut vraiment la peine de se procurer cet album-là, à mon avis. Il y a d'excellentes pièces sur ça. C'est vraiment, vraiment un groupe qui ne cesse de se dépasser d'album en album. On a beaucoup écouté Barbare, qu'on a beaucoup aimé, moi et Bruno. Alors, donc, on écoutera la pièce Apprenti sorcier. C'est tiré de Si partie 1, donc la nouveauté de Nemo. C'est une longue pièce et puis on vous revient après ça pour la dernière demi-heure de l'émission avec encore plein de bonne musique rock progressif. Alors on y va tout de suite avec Nemo. Dernier été, les feuilles mortes recouvriront de leur linceul le sol infécond. Si la terre nourricière est vidée de sa matière, récoltant pour l'éternel hiver l'ultime moisson avant le désert. Domine la nature, domine le monde, et dans leurs mains nous mangerons les restes de leurs repas immondes. sa ration de paille sera esclave de la graine qui ne pousse que si eux la sèment. Ils feront de nous des pantins bougeant au rythme de leurs mains, et nous suivrons la cadence de ce qui mène la danse. Sans les récoltes, plus que les parasites, qu'accepter la folie vénale et sans scrupules de ceux même pour qui l'argent est le seul but. Plutôt mourir de faim qu'avoir à digérer l'infâme ration de pain dont nous serons gavés. Tant que nous dirons amen à tous les arguments, même les plus obscènes, il est encore temps. We'll be right back. n'aurions pas un grain. Ce qu'elle nous a donné, tâchons de ne pas le voler. De le garder à jamais, pour que notre règne ne soit pas le dernier. Pour que nos enfants le groupe français Nemo, tiré de leur album Si. C'est tiré de Si partie 1. Là, il y a moyen d'avoir le partie 1 et partie 2 avec un seul CD. Ça vient juste de sortir. Et c'était la pièce Apprenti sorcier. Ah, il était parti. Hein, on voit que c'est des très bons musiciens. Moi, j'adore ce groupe. Un des meilleurs groupes français, à mon avis, avec Lazuli aussi, que j'aime beaucoup. Alors, on va poursuivre en musique avec un groupe canadien, Drock Farben. Ils sont de Toronto. C'est un groupe d'origine, je pense, un peu... on voit que c'est vraiment spécial de voir comment ces gens-là sont autant éclectiques et ils vont dans plein de styles, vraiment intéressants. Leur premier disque... éponyme, on ira avec la pièce ELPO, et au retour de la pause, on ira avec un groupe de la Finlande, Orne, O-R-N-E, c'est leur premier disque, non, c'est leur second disque, le premier est en 2006, c'est l'album The Tree of Life, et on aura une très belle pièce intitulée The Temple of the Worm. Ça, c'est au retour de la pause, mais d'abord, en musique avec Drock Farben.

could find. I know that my body will fail me. It's eaten by this slow decay. My soul every thank you. by Sophia, guarding my final set me thank you. N'ajustez pas votre appareil, c'était le groupe de Québec Instead of Ink, tiré de leur plus récent album Open Air Museum. C'est leur second disque. Il y avait eu Far From Close il y a deux ou trois ans. Et maintenant, Open Air Museum, c'est le projet donc de Cédric Lesquire, qui fait la voix, la guitare, la basse, piano, trompette, et Kevin Beneke, qui fait les percussions, les voix, et aussi du piano. Alors, c'était la pièce I Am Fiction. La semaine dernière, on avait entendu To My Dear Stranger, une pièce un peu plus rythmée, si on veut. Alors, donc, on poursuit... Ah oui, juste avant, il y avait eu Orné. Orné, qui est de la Finlande, et c'est leur second album, The Tree of Life, et c'était la pièce The Temple of the Worm. Alors, maintenant, pour terminer l'émission, on va faire jouer une pièce d'un groupe italien, pour débuter et pour terminer, c'est le concept. Mais cette fois-ci, un groupe des années 70, avec un album unique. C'est un album éponyme, donc le groupe Maxophone, qui devait se présenter un spectacle au Farfest, et ça m'a intrigué, je connaissais pas ce groupe-là. Bruno l'avait déjà en vinyle, alors c'est un album typique des années 70, italien. On écoutera la pièce Phasée, ça fera une transition justement avec l'autoroute. Bruno sera là au début pour un choix musical, ce soir pour l'autoroute, et ensuite Stéphane Villeneuve. Mais tout d'abord, nous, ben, on vous quitte avec Maxophone, donc de l'Italie. La pièce Phasée. On y va tout de suite en musique. We'll be right back. Alors donc, c'est la fin de l'émission Terra Incognita pour ce soir. C'était Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation avec vous depuis 22 heures. On vous souhaite une bonne semaine. C'était le groupe Maxophone, donc de l'Italie. C'est un groupe intéressant. Il y a sur ça plusieurs instruments. Alors, on vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de CKRL. Il y a l'émission Terra qui se termine. Oh. Il y a l'émission L'Autoroute qui s'en vient dans quelques instants. Alors, bonne semaine et à bientôt. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Stout Impérial. La sangribière. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. India Pale Ale. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. La rousse forte aux fruits. Le grand moment de l'athlète Dominique Maltais pour Opération Nérou. C'est une grande année pour moi. Je dois rester concentré. J'ai des objectifs et je veux les atteindre. Ça va être un gros travail d'équipe. On va avoir besoin de beaucoup de monde. Que ce soit pour être utilisateur ou accompagnateur, pensez Opération Nez Rouge au 1-866 Desjardins pour un départ parfait. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Avidjam. Ce qui signifie achat, vente, échange, jeu, audio et musique. Venez échanger tout ce qui concerne le divertissement de salon. Possibilité de mise de côté. Avidjam. Montage de système de son et d'ordinateur. Demandez Dan. Avidjam. Offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70. Également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tape tournante et ampli des années 70 et 80. Avidjam. Venez changer vos